J'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter Little Cave, la nouvelle génération en chair et en os dans un style frais et fait à la maison. Dingue, des positive vibes et du bon son à partager. L'autoprod résiste en puissance et en force. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Little Cave, c'est pas Mayou. Oh, aïe, aïe, aïe, c'est du propre top style. Stop, diddy, diddy, diddy, way. Oh, aïe, aïe, Little Cave pour dire ça. Bon ben.